peut-être un petit peu moins subtil et dans la communication politique de tous les jours, dans certains leaders politiques. C'est pas un exemple qui vient d'Angleterre. Jeremy Corbyn, donc le leader travailliste au Royaume-Uni, qui lui aussi a compris la force d'une part des métaphores, des anecdotes et de l'intégration du vécu personnel dans son argumentaire. Très rapidement. Alors là, juste avant de vous montrer, donc là on passe de nouveau à un autre type de storytelling, où je dis qu'il n'était pas question de sa propre personne, de son propre vécu, de son propre récit. On a vu avec l'histoire de Yael Biroufo, et on a vu également avec mythographie de Nicolas Sarkozy au moment où il était maire de Venise, où il a sauvé et a vu tout seul en fait, une prise d'otage, une prise d'otage dans une école. Donc ici voilà un autre type de stratégie, c'est lorsqu'on fait appel au vécu d'anonyme ou au vécu de personnes qui en fait sont intouchables d'un point de vue politique, puisque c'est les citoyens. Qui sont une part d'électeurs, mais surtout sont en fait les gens pour qui vous travaillez en tant que leader politique. 2,500 people emailed me about the housing crisis in this country. And I asked one from a woman called Marie, who says, what does the government intend to do about a chronic lack of affordable housing and the extortionate rents charged by some private sector landlords in this country? Prime Minister. Well, first of all, Mr. Speaker, can I... Donc là, en fait, vous voyez, la question n'est pas posée par le leader travailliste, elle est posée par une citoyenne qui a envoyé une lettre, à Jeremy Corbyn sur cette question bien précise. Donc de nouveau, c'est une manière, parfois, de se déresponsabiliser, en tout cas de se ranger derrière la vox populi, donc la voix du peuple qui pose lui-même des questions et qui interpelle en fait le camp adverse, en l'occurrence le Premier ministre de l'époque, David Cameron. Donc voilà en tout cas une manière de faire. Et c'est de nouveau, c'est pas tout à fait récent, c'est pas tout à fait nouveau. Durant les campagnes électorales, vous avez souvent ces anonymes qui viennent incarner le message ou la symbolique d'une élection. Et donc il y a quelques années, c'était je pense en 2008, lorsque Sarah Palin était la colistière, la candidate pour la vice-présidence dans le camp républicain, elle a utilisé, ou en tout cas fait appel à cet individu, Joe the Plumber, donc Joe le plombier, qui incarnait finalement les valeurs un petit peu de cette Amérique républicaine qui se bat contre la rage taxatoire de Washington et qui justement aimerait savoir ce que le candidat Obama a dans le tiroir pour des petits entrepreneurs comme des petits plombiers, etc. Et donc il incarnait véritablement le message du camp républicain. C'était un Américain normal qui venait sur les strates pour interpeller directement le politique. Et pour la petite histoire, il a eu son heure de gloire au moment où, dans un meeting de Barack Obama, cette fois-ci, en 2008, il a interpellé Obama sur des questions bien précises concernant la taxation, et Barack Obama était un petit peu en difficulté parce qu'il était un peu agressif aussi dans sa manière de formuler sa question. Mais donc ça en a fait, du jour au lendemain, une sorte de porte-drapeau, de héros du camp républicain. Alors, en Belgique, on n'a pas Joe the Plumber, mais on a Walter le libraire. Alors, Walter le libraire, c'est fabuleux comme ça, et je vais le dire cette fois-ci, j'espère que c'est pas le cas, mais il y a un an ou deux, lorsque j'ai utilisé cet exemple, il y avait la fille de Walter le libraire dans l'auditoire. Donc j'étais un petit peu embêté. Donc voilà, donc, cette fois-ci, il n'y a pas non plus l'enfant de Joe Pamo. Mais donc, Walter le libraire, c'est le libraire de Charles Michel, à Wavre, et qui, en fait, les communicants à l'époque de Maire n'étaient, je pense, pas très intéressés, puisqu'ils ont repris exactement le même schéma que l'on a retrouvé quelques années plus tôt du côté du camp républicain aux États-Unis. Et donc, bon, voilà. Nous sommes contents d'avoir trouvé Walter le libraire. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette icône que vous êtes devenue? Eh bien, je n'ai rien de spécial. Je suis connu mais pas reconnu, donc qu'on a parlé de moi, et puis tout s'est déclenché très très vite. Et je réponds présent à toutes les demandes qui me sont faites. Ma passion, c'est le magasin, donc avant tout. Vous êtes content de ce que Charles Michel a fait de vous, ou vous lui en voulez un petit peu quand même? Non, je ne lui en veux pas du tout, d'abord on en a parlé un peu. Il fallait d'abord excuser, j'ai dit qu'il ne fallait pas s'en excuser, que si ça pouvait servir, je continuerai, comme j'ai déjà dit souvent. Quand Charles Libéral le veut, Walter Delivret répondra. C'est bientôt les élections communales, justement. Ah, ça, c'est une autre question. Là, on n'en a pas encore parlé. Donc, un peu. Eh bien, justement, donc, dans les élections communales. Bonjour, je m'appelle Walter Agustin, j'ai un autre nom, je m'appelle aussi Walter Le Dubray. J'ai été mis en autorité par Charles Michel lors des dernières négociations gouvernementales. J'ai deux professions, je travaille dans une compagnie d'assurance et j'ai une librairie depuis 30 ans à Liège. Donc voilà, donc vous voyez qu'on passe effectivement d'un inconnu, d'un anonyme, qui était effectivement le libraire de Charles Michel et qui a été propulsé. Alors, j'aime bien d'ailleurs la formulation utilisée par Walter Le Dubray, il a été mis en notoriété. Donc c'est vrai, donc, son histoire est devenue exemplaire d'un point de vue anecdotique en fait, pour incarner cet entrepreneur de la classe moyenne, et il a effectivement été sur la liste, vous voyez, à la 30e place, donc c'est pas terrible, mais à la 30e place quand même symboliquement mis sur la liste du Bourbès. Donc voilà en tout cas comment ces histoires personnelles peuvent venir également illustrer un programme, une cause ou une élection de façon relativement stratégique. Donc des histoires exemplaires d'anonymes qui bien sûr vont construire une réalité politique. Et la même chose, en fait vous pouvez observer exactement la même chose dans le champ médiatique. Lorsque un journaliste veut décrire une réalité, donc il veut parler, faire un reportage ou décrire une réalité, et il aimerait se prononcer lui-même sur une question, mais il ne peut pas le faire parce qu'il doit conserver un semblant d'objectivité et de neutralité, eh bien, quoi de mieux qu'un micro-trottoir ? On en a déjà parlé la semaine dernière, mais le micro-trottoir qui va pouvoir venir orienter, enfin, qui va pouvoir venir illustrer une séquence, avec souvent des mots que l'on va mettre dans la bouche directement des interviewés, des anonymes que l'on rencontre dans la rue. Donc, vous vous souvenez, la semaine dernière, la manière dont vous allez formuler vos questions, si je vous pose la question, est-ce que vous n'avez pas marre de la corruption dans votre commune ? Alors, directement, comment est-ce que vous pouvez répondre par non ? Donc il y a une manière de formuler les choses, et donc le personnage qui sera interrogé à ce moment-là va venir illustrer simplement le reportage, et le journaliste va pouvoir se mettre en retrait pour dire « Ah ben non, c'est la voix de la rue, donc moi je suis blanc comme neige ». Donc il y a le même procédé à l'œuvre dans les médias. Donc comment construire une réalité ? Comment construire une réalité que l'on prétend décrire ? C'est ça, d'une certaine manière. Et cette action d'anglais, c'est un mot un peu laid, l'angle de d'imposer un angle, en tout cas de décrire une réalité de construire une réalité que l'on prétend décrire, eh bien, c'est ce qu'on appelle en communication politique depuis quelques années, de nouveau un mot emprunté de l'anglais, c'est le spin. Le spin, alors on va parler dans un instant. Donc, le spin, vous savez que en anglais, le spin, ça veut dire c'est faire tourner. C'est l'effet que l'on donne à une toupie, par exemple, lorsqu'on fait tourner la toupie, ou alors, si vous êtes sportif, lorsque vous lobez une balle au tennis, lorsque vous brossez un tir au foot, c'est l'effet que vous donnez à votre projectile. Donc, le spin, c'est la torsion que l'on imprime, que l'on ajoute au fait, au réel. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on peut le faire en décrivant de manière instrumentalisée une réalité, en utilisant des personnages avec des micro-trottoirs, mais également, vous avez des communicants, des spécialistes de la communication, qui vont travailler justement le réel, qui vont travailler la réalité politique, le récit autour d'un leader, pour l'orienter de manière positive. Et donc, ces personnages-là, on les appelle les spin doctors. On avait déjà entendu parler un petit peu des spin doctors. Donc, les conseillers en communication qui sont des véritables scénaristes du réel. Scénaristes du réel politique, bien sûr. Le but, c'est d'amplifier, bien sûr, les jugements favorables du candidat que vous défendez, du candidat que vous conseillez, enfin, en tant que spin doctor. Et donc, vous allez lui fournir des éléments de langage, des slogans, des anecdotes qui sont susceptibles d'influencer, justement, l'opinion, susceptibles d'orienter également la couverture médiatique qu'on lui donnera. Donc, soit effectivement par des éléments de langage ou par des récits de personnages, d'anonymes, comme le libraire ou d'autres, qui vont venir justement aider à construire cette réalité autour du mythe libéral, par exemple, pour le MR, ou autour du parcours personnel de l'année du repos du côté du PS. Donc, on va construire la réputation, on va essayer de consolider une image positive, et tout cela, évidemment, c'est le fruit du travail de ces spin-off. Alors là aussi, rien de nouveau. Rien de nouveau, parce que les spin doctors, c'est de nouveau un terme, c'est le storytelling. Vous savez, raconter des histoires, la narration, ça n'a pas commencé avec, encore une fois, des experts, des anciens communications dans les années 90. Hein. Ça a été toujours un talent. Je vous disais il y a quelques semaines que soit Roosevelt ou même d'autres candidats français avaient déjà ces moments où ils racontaient l'actualité au coin du feu. Donc cette idée existait déjà auparavant. Et même bien avant, rien de nouveau, puisque les spin doctors d'aujourd'hui, dans l'Antiquité, existaient également. Vous allez comprendre toute l'influence des conférences dont je vous ai déjà parlé ces derniers temps. Le premier spin docteur, en fait, c'est Protagoras. Pourquoi ? Protagoras, comme vous le savez, c'est un sophiste. Alors, je fais une petite parenthèse par l'Antiquité, mais vous allez voir qu'il y a des rapprochements tout à fait intéressants avec la critique formulée aujourd'hui à l'égard des conseillers en communication et des spin doctors. En fait, pour la petite histoire, vous avez peut-être eu des cours là-dessus, mais vous savez que les sophistes, la sophistique, donc l'art des sophistes, c'est un mouvement de pensée, un courant de pensée, qui a séduit et qui a scandalisé en même temps la Grèce entière au moment de l'Antiquité, hein, donc à l'époque de Socrate. Et donc les sophistes, c'était quoi ? Bien, c'était des professeurs, des coachs, des professeurs d'éloquence. Qui agitait comme enseignant itinérant, qui allait de ville en ville, pour préparer les citoyens à discuter dans les assemblées. Donc, c'est-à-dire qu'à Athènes, il y avait la démocratie, et, démocratie en tout cas, un prototype de démocratie, avec les citoyens qui étaient amenés à s'exprimer, à défendre leur cause dans les assemblées, dans l'agora. Et donc, vous avez des professeurs de défense, des sophistes, qui allaient aider ces citoyens à retourner l'opinion, à donner des lois à la cité nouvelle, et donc à former petit à petit les gens à la démocratie. Donc à faire de la politique moderne. Donc le premier sophiste, et celui qui est sans doute le plus célèbre, c'est effectivement Protagoras, qui était un démocrate convaincu, mais également un sceptique. C'est un philosophe qui faisait plutôt partie du courant sceptique. Donc ce n'était pas un idéaliste comme Platon, c'était un sceptique, c'est vrai qu'il a été fort critiqué dans les écrits de Platon, enfin je ne vais pas en faire attendre, mais il expliquait par exemple que sur toute chose, il y a deux discours qui se contredisent l'un l'autre. Donc vous pouvez toujours trouver un argumentaire, un contre-argumentaire. Et il affirmait aussi que, vous savez, c'était la phrase très très connue de Protagoras, c'est l'homme est la mesure de toute chose. Donc il conteste d'une certaine manière la possibilité d'une connaissance purement objective. La connaissance est toujours, enfin, ce qui est raconté, ce qui est expliqué, est toujours chargé symboliquement, idéologiquement, d'une manière ou d'une autre. D'où son scepticisme. Et pourquoi est-ce que le sophisme aujourd'hui, ou les sophistes, ont une connotation péjorative ? Eh bien, parce qu'au cours de l'histoire de la philosophie, à la suite justement de l'influence de l'œuvre de Platon et plus tard d'Aristote, eh bien, on a fortement critiqué le raisonnement des sophistes. Alors qu'est-ce qu'on leur reprochait ? Il y avait trois principales reproches, trois principales critiques. C'est d'abord que les sophistes faisaient payer leurs leçons. Alors ça, c'était super mal vu parce que en fait, on les confondait, on les comparait à d'autres artisans ou maîtres artisans, comme les sculpteurs, comme les potiers, hein, comme les ou voire comme des boulangers, donc des gens qui disposaient d'une technique, donc d'une technique qu'ils monnayaient, donc vous payiez un minerval, si vous voulez, pour qu'on vous apprenne ce talent-là. Alors que la sagesse, la sophia, la philosophie, la sophia, ne peut être normalement ravalée au rang de technique, et on ne peut pas la payer, quoi. Donc on peut pas, sinon on a l'impression d'être corrompu en tant que philosophe. Donc ça, c'est un petit peu la vision idéaliste, hein, dans l'impression qui dit, mais attention, on ne peut pas vous apprendre la philosophie, vous apprendre, vous prendre des cours payants de philosophie. L'autre critique, la deuxième critique fondamentale, c'est que les sophistes sont des amoraux. Donc, pas des immoraux, mais des amoraux, puisque leur enseignement peut servir tout aussi bien à donner des armes aux causes justes qu'aux causes considérées comme injustes. Donc ils prétendent bien sûr donner à leurs élèves la même éducation et les mêmes armes pour converser. Et le troisième reproche, c'est que les sophistes manipulent le langage et qu'ils préfèrent toujours l'efficacité du discours à la vérité. Donc, est-ce qu'on n'est pas là vraiment dans la pratique contemporaine des spin doctors, des conseils en communication ou des fabricants d'éléments de langage dont on a parlé tout à l'heure? Donc on voit que le spin n'est pas nouveau et que finalement les sophistes d'autrefois, d'ailleurs je trouve que le terme assez joli, mais les spin doctors sont en vérité des sophistes. Alors parfois ils sont dédiés corps et âme à un seul candidat, mais vous avez des conseillers en communication qui vont travailler pour différents clients, différents politiques et vendront leurs services et leur savoir à ces gens-là. Donc pourquoi est-ce que c'est important les spin doctors? Parce que bien sûr, lorsque vous avez un débat politique, lorsque vous avez un débat, que ce soit dans l'agora antique ou aujourd'hui, dans le débat que j'espère que vous allez tous suivre ce soir, des primaires chez les Républicains en France, donc c'est le premier tour des primaires du côté républicain, c'est la première fois qu'il y a des primaires à droite en France, eh bien, pourquoi? Parce que le spin, ça vous permet aussi de faire du décodage en temps réel. Donc on va juger, évaluer la prestation du débattant post-hoc, donc après l'événement, mais parfois même aujourd'hui en temps réel. Et donc l'interprétation du débat, c'est très important, parce qu'on va vous demander, moi c'est ce qu'on me demande systématiquement, après les nuits blanches des débats Trump-Hillary, j'ai systématiquement les journalistes qui disent « alors qui a gagné, Trump ou Hillary ?» C'est compliqué. Donc on va vous demander de décoder le réel et d'interpréter le débat. Et en termes de victoire ou de défaite. Et il n'y a pas de vérité. Pourquoi est-ce que c'est pas scientifique? On ne peut pas scientifiquement prouver qu'un tel a gagné le débat ou que l'autre l'a perdu. Donc là aussi, cette interprétation s'est professionnalisée. C'est devenu, d'une certaine manière, un business hein, qui mobilise des centaines de personnes aussitôt qu'un débat se termine. Et donc les partisans du candidat, bien sûr, vont avoir un message positif pour dire, ben voilà, évidemment, Hillary Clinton est beaucoup plus sérieuse que ce fou de Trump. Et puis, vous allez avoir de côté les partisans de Trump qui partagent une foi inébranlable vis-à-vis de leur candidat, qui diront, mais crooked Hillary, donc Hillary l'a corrompu de toute manière, elle manipule les chiffres, et elle a toujours menti sur tout, compris sur ses emails, il y a des morts derrière, etc. Donc les partisans vont se battre à coup de téléphone, aux radios, d'interviews d'experts, de sondages. Donc c'est vraiment la bataille de l'interprétation. Donc vous voyez que si par exemple Hollande va juger sa présidence, alors lui son dernier bouquin, quand on a un livre d'entretien, ça va être compliqué. Vous avez vu qu'il a sorti un livre aujourd'hui, c'est pas lui qui écrit le livre, mais c'est les deux journalistes qui l'ont suivi pendant 5 ans. Alors c'est fabuleux parce que pensait être tombé très bas avec le livre de Givaleur, mais bon, on en parlera si on attend dans une seconde après cet exemple-là. Mais donc la question, c'est la question de l'interprétation. Donc comment est-ce qu'on peut interpréter la prestation dans un débat d'un leader? Alors on voit que d'un côté on dira François Hollande n'est pas capable de se hisser au niveau de l'histoire, et puis Manuel Valls, son féministe, dira Hollande s'est hissé au niveau de l'histoire. Donc chaque camp va tenter d'imposer son filtre à la réalité et à la prestation du candidat. Donc c'est, vous voyez, c'est très important. Et donc l'écarquillage et d'une certaine manière le manque de préparation ou d'encadrement d'un discours que l'on va prononcer dans les médias comme ça fait par un leader politique, eh bien il se paye cash. Vous voyez, guillemets, il peut être réutilisé ou tourné au ridicule. Jalil qui est Sylvain de 6 ans, venez de vous voir et vous demandez pourquoi les terroristes veulent nous tuer. Qu'est-ce que vous répondriez simplement? Parce qu'ils sont fous, démoniaques, terroristes, folie, barbare, hystérie, mortifère, radicalisme, fanatisme de jeux vidéo, et que nous prenons toutes les mesures pour la protéger, oui. Donc là, évidemment, vous avez trop d'éléments de langage négatifs qui sont martelés, et je pense qu'il y a juste zéro préparation derrière. Donc, c'est un discours, ça ne se prépare pas tout seul. Donc, c'est comme ça. Alors, bien sûr, vous pouvez être bien intentionné, vous pouvez être convaincu par votre cause, mais comme on a déjà parlé ces dernières semaines, vous intervenez dans un contexte médiatique où il y a des codes, où il y a une grammaire médiatique, et dans cette grammaire, vous devez distiller pardon, les éléments de langage, et vous ne pouvez pas en balancer 50. C'est pas possible. Sinon, ça donne effectivement une sorte de distorsion ou d'effet amplificatoire qui paraît. Pour le coup, relativement anxiogène. Donc, il faut respecter un rythme et s'inscrire dans un réseau d'événements. Alors, très concrètement, il y a deux stratégies qui sont souvent employées en storytelling par les spin doctors et qui sont appliquées dans le cadre d'un débat. Alors, observez bien, pour ceux qui encouragent ce soir, pas seulement le débat, mais ce qu'on va en dire par la suite. Parce qu'en général, je ne sais pas comment c'est organisé ce soir, mais en général, après, vous avez une ronde de consultants ou de leaders politiques de partis différents qui vont commenter la prestation de l'un ou de l'autre. Et donc, avec, là aussi, la volonté de gagner la bataille de l'interprétation. Et il y a deux stratégies qu'on peut, dont on peut parler aujourd'hui. C'est d'une part la stratégie de déflation des attentes, et d'autre part, la stratégie de Scheherazade. C'est pas un petit peu bizarre. Et les deux ont été appliquées de manière assez réussie dans le contexte des élections présidentielles américaines. Alors, c'est quoi la stratégie de déflation des attentes? En fait, dans cette stratégie, il s'agit tout d'abord, dans les médias, de marteler un message qui revient à dire que votre candidat est nul. Donc, de dire, oulala, George Bush contre John Kerry, qui maîtrise plusieurs langues, qui est intelligent, qui parle un très bel anglais, qui est capable de faire des phrases complexes, qui est cultivé, qui a... Voilà. Ça va être le massacre. Et sachant que beaucoup d'entre vous sont très très jeunes, donc vous ne vous souvenez pas, mais lors de la présidence de George W. Bush, qui a énormément de bêtises qu'a dit George Bush, des constructions de phrases qui n'avaient pas de sens et des espèces de vérités un peu folles. Donc c'est un peu comme Trump aujourd'hui, d'une certaine manière. Et donc on s'est dit, oula, il n'y a aucune chance. Il était très bon avec son audience. Mais un peu comme avec Trump aujourd'hui, on dit ouais, Trump face à Hillary Clinton, c'est vraiment c'est jour et la nuit. Et bien ici, le spin doctor principal autour de George W. Bush, c'était Karl Rove, et lui, il a bien expliqué aux médias que aucune chance, donc ça va être un massacre. Quelque chose qu'on n'aurait jamais toléré de Donald Trump, hein, qu'on dise dans son entourage qu'il est nul en débat, qu'il va se faire massacrer par Hillary Clinton. Et bien là. Ça a marché. Donc c'est ce qu'on appelle la déflation des attentes, c'est-à-dire, oulala, attention, il n'y a pas trop d'attentes quant à la performance de notre candidat dans ce débat, il est mauvais. Eh bien, en parallèle, on va le coacher, on va le préparer, on va lui donner des éléments de langage, on va lui donner des raccourcis cognitifs, on va lui donner des trucs pour attirer l'attention, des histoires, des anecdotes, etc. Tout ça, on va le préparer. Et au final, on aura l'impression, en tout cas contre John Kerry, il n'était pas si mauvais que ça. Enfin, on savait qu'il était mauvais, mais finalement, il n'était pas catastrophique. Et donc, cette petite différence, elle donne l'impression, après visionnage du débat, qu'il a quasiment gagné. Parce qu'il a gagné par rapport à cette image extrêmement négative qu'on avait lue auparavant. Exactement le même cas de figure en 2012 en France. Lorsque vous avez eu le fameux débat entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, là aussi on s'est dit, mon Dieu, Sarkozy, personnage quand même relativement charismatique, qui est très fort comme compétiteur et qui a l'habitude justement d'humilier, de massacrer ses adversaires, et de l'autre côté, on a Flambie, c'est compliqué quand même. Hein. On s'est dit qu'au départ, c'est le pauvre François Hollande n'avait aucune chance. Et là aussi, stratégie déflation des attentes des communicants de François Hollande, et on lui a donné des éléments de langage. Vous savez, c'est le fameux « moi président ». Moi président, moi président, moi président. Et il a déroulé à ce moment-là son moi président, et ça a étonné tout le monde. On s'est dit, mais tiens, il arrive à tenir un discours, il arrive à être cohérent, à promettre des choses également dans ce qu'il disait. Et ça, en fait, sur le moment même, assommé, disent les observateurs, son contradicteur, donc son opposant, Nicolas Sarkozy. Même si, sans contexte, sans cadrage de déflation des attentes, si vous montrez quelques années plus tard ce débat entre les deux à quelqu'un, franchement, quelqu'un qui n'est pas du tout habitué à la République française, ça va se dire « Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est ennuyeux, François Hollande, et qu'est-ce qu'il n'est pas charismatique ?» Mais on vous prépare. On vous prépare cognitivement à recevoir ce type de discours et à vous dire bah, « Tiens, finalement, c'est quand même pas si mal. Et puis on n'aime pas Sarkozy, on n'a plus envie de le voir. Et donc finalement, allez, c'est quand même... Ça tient à la route, c'est pas si mauvais que ça. » Donc on a affaire aussi à une préparation relativement spécifique pour permettre à François Hollande, au bon moment, de sortir ses fameux éléments de langage. Donc, première technique, la stratégie de déflation des attentes. Deuxième stratégie, c'est la stratégie pardon, de Scheherazade. Alors là aussi, une question d'une forme de manipulation. Vous savez que, donc, aux États-Unis, les spin doctors, on l'a dit, ont truffé leurs discours des candidats de petites histoires, d'anecdotes. Alors, à l'époque de George W. Bush, c'était la guerre en Afghanistan, puis la guerre en Irak, avec beaucoup de morts parmi les soldats américains. Et donc, au moment de la réélection, en 2004, c'était pas évident, hein, parce que non seulement le bilan intérieur économique de George Bush était désastreux, mais en plus, la guerre en Irak, c'était pas vraiment un succès. Bon, on a réussi à faire tomber Saddam Hussein, c'était pas compliqué. Et on a réussi à capturer et à prendre, donc très bien. Mais à part ça, des milliers et des milliers de morts dans le camp américain. Ça devenait compliqué. C'est plus comme à l'époque de la guerre du Golfe, où on faisait des frappes chirurgicales, et soi-disant, il n'y avait aucun mort côté américain, et tout ça était une guerre propre. Il y avait encore un beau terme, un raccourci cognitif, un shortcut, la guerre propre. Donc, dans la stratégie de Scheherazade, il est question en fait de sauver le soldat Bush. Donc sauver le soldat Bush, pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il était condamné par l'opinion pour sa politique intérieure et condamné par le monde entier pour sa politique extérieure. Puisque, comme vous le savez, il est parti en guerre tout seul, contre l'ONU, contre la vie de l'ONU, avec la plupart des pays européens qui n'ont pas suivi cet élan guerrier. Et donc, son conseiller en communication, Carlo, lui dit, oh là, comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire pour rétablir ton image et pour faire de toi un leader fort et surtout donner envie aux Américains d'encore voter pour toi. Là où déjà, à la première élection contre Al Gore, c'était extrêmement serré, comme vous le savez, on a dû recompter les voix en Floride, mais on ne sait toujours pas qui finalement a gagné en Floride. C'était pour faire. Donc, c'est quoi la stratégie de Scheherazade? Eh bien, la stratégie de Scheherazade, c'est plutôt que de braquer les projecteurs sur le réel, de dire oui, effectivement, de parler de son bilan, effectivement, le bilan est mauvais, mais je vous promets qu'on va faire mieux, on va inverser la courbe de la croissance, on va créer des emplois, et puis on va gagner la guerre en Irak, etc. Au lieu de faire ça, on va raconter une toute autre histoire. On va raconter peut-être pas son histoire, mais on va braquer le projecteur sur autre chose, quelque chose de positif. Et pourquoi est-ce qu'on parle de la stratégie de Scheherazade? Vous connaissez les mille et une nuits, Scheherazade, eh bien. Il faut se transposer au 8e siècle de notre ère, dans le royaume du sultan perse Shahriar, qui, pour se venger de sa femme, qu'il avait quittée, avait pris la fâcheuse habitude, d'assassiner tous les matins la jeune vierge qu'il avait épousée la veille, donc ce qu'on appelle un psychopathe. Et donc, pour faire cesser ce massacre, eh bien, Scheherazade, la fille du vizir, s'est sacrifié, a épousé le sultan, et au moment où le soir venu, en sachant justement le lendemain matin elle allait se faire assassiner, eh bien, elle a commencé à raconter une histoire, une belle histoire, sans jamais la terminer. Et son époux, bien sûr, voulait, donc le sultan voulait connaître la fin. Donc il dit non, c'est, vas-y, continue ton histoire, ça m'intéresse. Et donc son histoire a duré mille et demi. Donc et au bout de mille et nuit, Shahriar, qui à ce moment-là était, donc le sultan était apaisé, il a renoncé donc à ce moment-là à tuer son épouse, sa femme. Et donc c'est comme ça que ce psychopathe a entre guillemets, été endormi, en tout cas calmé, sur le moment même. Alors, comment passer de Shahriar à George W. Bush? Eh bien, parce que finalement, le monde a un peu changé. Et donc, au moment où, non pas le sultan, mais l'opinion publique vous condamne à mort, se dit qu'elle va vous massacrer, elle va plus voter pour vous, elle va vous foutre dehors, eh bien, on va lui raconter une histoire. Et l'histoire, c'est plus la vôtre, mais c'est raconter une histoire émouvante qui vous prend au trip et à laquelle vous avez envie de croire, vous avez envie d'écouter. Donc, c'est. Par exemple, en 2004, ce clip de campagne de George W. Bush qui s'appelle Ashley's Story, donc, comme par hasard, l'histoire d'Ashley. My wife Wendy was murdered by terrorists on September 11th. The Faulkner's daughter Ashley closed up emotionally. But when President George W. Bush came to Lebanon, Ohio, she went to see him as she had with her mother 4 years before. He walked toward me and said, Mr. President, this young lady lost her mother in the World Trade Center. He turned around and came back and said, I know that's hard. Are you all right? Our president took Ashley in his arms and just embraced her. And it was at that moment that we saw Ashley's eyes fill up with tears. He's the most powerful man in the world, and all he wants to do is make sure I'm safe. And I'm okay. What I saw was what I want to see in the heart and in the soul of the man who sits in the highest elected office in our country. Progress for America Voter Fund is responsible for the content of this message. Non, ouais, c'est une belle et triste histoire, mais comment ne pas respecter le destin de ces filles qui se réconfortent, enfin qui est réconfortée dans les bras du président, le leader qu'on aimerait tous avoir. Il est fort, il est chaleureux, il prend soin en tout cas de ses orphelins du 11 septembre. Donc voilà en tout cas un exemple. Et donc on essaie de, encore une fois, de bouger le curseur de l'opinion, ce sur quoi on va vous juger dans l'élection. Donc ici, l'idée finalement, c'est pas est-ce que vous avez un bon bilan en tant que président, mais c'est finalement est-ce que vous êtes un bon leader, un bon chef de guerre, un bon patriarche de la nation. Et donc, ben c'est quelque chose qui fonctionne dans certains pays, alors dans d'autres, ça ne marche pas très bien. Donc, lorsque vous avez effectivement François Hollande qui est pour changer aussi un petit peu, bouger le curseur et pour changer de sujet, vous savez, ce que dit dans Mad Men, on a vu un extrait il y a quelques semaines, dans Mad Men, le publicitaire principal de la série, il dit, vous savez, si vous n'avez pas. Si vous êtes dans une relation complexe, vous êtes dans une relation, dans une situation politique ou commerciale en détente, eh bien, changez l'histoire. Là aussi. Et donc ici, l'idée, c'est de changer l'histoire, change the story, et Hollande passe de président qui s'est un petit peu, qui a connu des problèmes au moment de faire voter le mariage pour tous, et puis par la suite, à combattre le chômage. Devient chef de guerre, chef des armées. Et donc c'est très important, encore une fois, de contrôler son récit. Alors, si on ne le fait pas, si on ne contrôle pas son récit, eh bien d'autres le font pour nous. Et ça, c'est une réalité médiatique contemporaine. C'est si vous êtes un président, un leader politique, ou un ministre, en tout cas une figure politique d'importance, vous devez absolument contrôler le récit et donc avoir des relais dans l'opinion, d'autres relais politiques, des soutiens. Ou des personnalités de la société civile qui vont venir vous soutenir. Donc si on ne le fait pas, vous avez d'autres personnes qui vont venir vous attaquer et vont vouloir plaquer leur réalité sur votre, éventuellement sur votre mandat. Donc je parlais tout à l'heure de Valérie Trival, vous savez son ouvrage Merci pour ce moment. Qui a été un best-seller et dans lequel Valérie Trévaleur dresse un portrait un petit peu négatif de son ex-compagnon. Et donc c'est difficile pour Valérie Trévaleur au moment où elle devient première dame, un petit peu par défaut, réalisée, et ça ne se passe pas bien, enfin, vous connaissez un petit peu l'histoire, sa réputation est assez mauvaise. Enfin, donc, Vous avez vu? Ouais. Donc en fait, il y a cette personne, cette citoyenne qui va dire, qui vient dire à François Hollande qu'il ne doit pas se marier parce que Eric Revailleur on l'aime pas. Voilà. Donc c'est compliqué. Vous partez avec un déficit d'image qui est quand même assez important. Si quelqu'un vient vous embêter de la sorte. Et donc c'est important pour le président, mais également pour à l'époque la première dame, de mettre en place une trame narrative, hein, donc qui est positive. Donc à nouveau c'est côté du spin. Alors elle, malheureusement, elle doit le faire tout seule. Et donc lorsqu'elle s'est fait entre guillemets répudier, hein, suite à l'affaire Gaillet, etc., elle a sorti ce bouquin, ce livre Merci pour ce moment, qui rétablit une vérité, rétablit sa vérité d'une certaine manière, mais qui rétablit une vérité pour gagner, encore une fois, cette bataille de l'interprétation. Et donc, c'est une sorte de récit victimaire, où elle se pose dans victime, et où elle décoche quelques flèches très, très, très aiguisées à François, en direction de François Hollande. Et le but, c'est bien sûr de contrôler, encore une fois, le récit présidentiel, puisque François Hollande ne le sait pas. Donc, c'est cette fameuse phrase qui a fait beaucoup de mal à François Hollande, à ses procès. Elle écrit « Lui, l'homme de gauche, dit en privé, l'escendant ». Parlant des plus pauvres, des citoyens dans le besoin, c'est les sans-dents. Donc, venant d'un homme de gauche, l'ancien président, secrétaire général, secrétaire du Parti Socialiste et président, bien sûr, de gauche en France, ça passe plutôt mal. Donc vous voyez qu'il est important, en tout cas, pour une personnalité médiatique, de contrôler encore une fois son récit. Et vous voyez que c'est tellement important pour Valérie Pécresse qu'encore récemment, pas plus tard qu'hier, Elle a remis une couche en disant, voilà, j'ai un SMS, un message, un texto d'il y a 10 ans qui prouve que François Hollande parle descendant. Donc elle recopie sur Twitter le texto, elle dit, voilà, je suis avec ma copine, machin, dans une grande manifestation dans son canton, je lui fais un numéro de charme, mais tu ne dois pas t'inquiéter. Dans son discours, elle a fait un affiche formidable, rire général, même je suis descendant. Donc ça, c'est la preuve donnée par Valérie Trivaleur pour prouver que François Hollande a bien utilisé le terme descendant. Et donc vous voyez aujourd'hui que, quand je parlais tout à l'heure du règne des anecdotes, parce que ça, est-ce que c'est vraiment important politiquement parlant? Non, je pense que c'est mon avis. Mais donc il y a par livre interposé, ces deux ex s'attaquent. Hein, donc d'une part, Valérie Trivaleur dans son livre, oui. Oui, voilà, c'est ça. Non. Oui, bien sûr. Oui, c'est la dimension, effectivement, c'est la dimension morale. Ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas un impact sur la coupe de la croissance, ou sur, ou sur l'invasion d'un pays ou d'un autre. Donc, bien sûr. Et c'est tout là, l'art, effectivement, du cadrage autour de la réputation d'un leader politique. Et donc, vous savez qu'il a sorti donc ce livre aujourd'hui, que le livre est sorti aujourd'hui, il y a déjà quelques extraits qui sont extrêmement durs, d'ailleurs, sur cette séquence avec Valérie Trivaleur, qui finalement adapte son message également aux écrits de son ex-compagne. Alors, c'est un livre d'entretien, donc ce n'est pas « Merci pour ce moment », je ne sais pas, d'ailleurs, je me souviens plus du nom, c'est peut-être « Désolé pour ce moment », je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une réponse et il y a une volonté de regagner finalement la guerre perdue contre Trivaleur quelques années plus tôt, sur le récit de son propre mandat présidentiel. Donc voilà en tout cas cette importance du storytelling et cette obligation qu'a même François Hollande de venir démentir l'histoire descendants lors d'un meeting, lors d'une réunion à l'ONU. Donc les journalistes français vont nous poser une question sur cette anecdote-là, alors qu'on parle bien sûr de la situation de terrorisme international, par exemple. Donc vous voyez que ça a effectivement de l'importance dans le récit présidentiel, surtout à quelques mois d'une élection. Donc, alors, il y a bien sûr beaucoup de commentaires critiques par rapport à cette évolution du discours politique, à cette tabloïdisation, c'est-à-dire que la presse nationale, les formats de la presse nationale, ces échanges entre leaders politiques ressemblent un petit peu aux échanges entre people, et donc que la presse aujourd'hui a pris un peu le goût, aux confidences des leaders politiques, et reste systématiquement à l'affût des prochaines séquences du vaudeville, ici à l'Élysée, mais on se retrouve également avec d'autres ministres, d'autres leaders politiques. Et donc ce qu'on voit, on se retrouve avec des engrenages narratifs où les leaders politiques se doivent de répondre à des accusations qui proviennent d'autres lieux que les assemblées ou que les débats traditionnels. Et donc l'important, c'est vraiment de considérer ce récit comme un moyen de construction de sens, et si vous loupez votre construction de sens, si vous n'avez pas la main mise sur votre propre récit présidentiel lorsque vous êtes un président de la République, ça devient bien sûr très compliqué. Donc, d'où l'importance de la professionnalisation. Alors, je vous parlais des spin doctors américains, du fait de confier sa communication à des spécialistes de la communication et du marketing. Alors, très récemment, pour prendre un exemple, on ne va pas passer trop de temps dessus, mais vous savez qu'en Flandre, on a fait appel en 2014, enfin un peu plus tôt, parce que la campagne a commencé plus tôt, à une agence également de communication, qui au départ n'avait rien à voir avec la politique, qui s'appelle Brand Home, qui est une agence Babylon, qui fait aussi la publicité pour des marques. Et on lui a confié toute la campagne de la NBA, donc partie de Bart de Wever, et on lui a demandé en fait de faire une vraie campagne de marque, en commençant un petit peu plus tôt que les autres, en achetant des espaces sur des espaces publicitaires en ligne, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, etc. Et donc voilà en tout cas le CEO de cette agence, Eric Sarlens, qui a écrit d'ailleurs un livre sur cette expérience. C'était la première fois qu'il faisait une campagne politique, en fait, de A à Z. Et il raconte cette expérience dans un ouvrage branded que vous pouvez télécharger, je pense, gratuitement en néerlandais et en anglais. Vous pouvez ça facilement sur Internet. Et donc, voilà ce qu'il en dit. Verandering voor de rechter. Verbintenis 26. Waar is verhaal verteld? In het boek Gebrandmerkt vertel ik het verhaal achter de historische NVA verkiezingscampagne. Je ne vais pas, bien sûr, vous passer tout à l'avion, c'est en néerlandais, mais donc vous avez la mise en scène finalement du communicant, c'est comme si Karl Rove aux États-Unis racontait vraiment l'histoire de cette campagne. Donc on voit encore une fois la place que prend un publicitaire, un communicant professionnel, dans le cadre d'une campagne politique. Alors, qu'est-ce qui différencie cette campagne victorieuse de la NPR en 2014 des autres? Eh bien, c'est une certaine abnégation des leaders politiques qui ont accepté, pendant cette campagne, de se mettre relativement en retrait et de ne pas la jouer en solitaire, plutôt, et de respecter une sorte de cadre commun, de discipline de parti, quant à la communication adoptée. Donc il y avait ces fameux gimmicks, les signaux qui permettaient de reconnaître facilement la campagne. Vous savez, c'est des fameux V. Vous savez que même lors de la prestation de serment de certains ministres, au lieu de faire ça, ils ont fait ça. Donc ils ont fait leur signe de V. Alors V, pourquoi? Parce que le slogan, c'était « Verandering voor Gorotian », donc le changement pour le progrès. Et donc, avec ces éléments qui revenaient systématiquement, qui étaient martelés dans les différents clips de campagne. Alors, c'est pas tout à fait nouveau, hein, ceci, parce que vous voyez qu'il y a quelques années, le plan de bloc, le concept du plan de bloc, il avait également utilisé. Évidemment, c'est aussi le fait de Flandre, de Flandre. Et donc, c'est allé très loin, puisque même des nains de jardin ont été customisés avec ce B. Alors, un peu plus tard, évidemment, le président du SPF à l'époque, Bruno Tobac, avait détourné, avait plutôt montré autre chose. Donc, on voit l'influence des conseillers en communication, des professionnels de la communication, qui fabriquent de plus en plus ce message politique, qui en fait le met en scène. Alors, parfois, ça va un petit peu trop loin, et parfois, d'ailleurs, de nouveau, un extrait d'une série que je vais vous montrer, où on voit que les hommes et les femmes politiques peuvent, à un moment donné, reprendre leur indépendance en disant, là, ça devient trop fabriqué, trop artificiel. vous arrivez à lire? Qui me crève, pour ainsi dire, qui me crève dans la rue, vous savez qu'elle n'est pas jeune. Qui vous a dit de ne pas le dire? Ben, le faire exister. Donc ici, vous avez reçu le président. Tout à fait. Quand le président arrive ici, il a l'air surpris de voir les caméras et les photographes, mais en fait, il savait qu'il y en avait. Oui, mais il ne pensait pas qu'il y en avait autant. Ah oui, ça. Hein, parce que tout le fond était rempli de caméras. Et ça fait quoi de voir autant de journalistes dans son salon?